Marie Rétan, votre émission littéraire présentée par Mona. Bonjour à tous, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Monsieur Rémi Debord, fondateur des éditions Nerea, qui vient nous parler aujourd'hui d'éditions associatives. Bonjour Monsieur Debord. Bonjour Mona, on peut se passer du monsieur, ne vous inquiétez pas. D'accord, je vous appelle donc Rémi. Voilà, tout à fait. Ce serait réducteur de ne parler que de la maison d'édition, vous avez de nombreuses casquettes. Vous pouvez nous parler de vous, de vos activités ? Oui, tout à fait. Comme je suis retraité, j'ai beaucoup de temps libre, donc et comme tous les retraités, je suis débordé, comme d'habitude. Et donc je suis outre le métier d'éditeur, je suis aussi écrivain. Donc avec une palette assez étendue, puisque je suis aussi un peu de philosophie, un peu de poésie, des nouvelles, des romans. Je suis aussi de la radio. J'écris, je réalise, j'enregistre. Bref, je fais à peu près tout ce qu'il faut pour publier une pièce radiophonique une fois par mois, donc sur une radio concurrentielle. Vous pouvez la citer. Qui s'appelle Radio Caraïbes Nancy. Mmh. Et donc je fais ça dans mon petit studio personnel chez moi. J'ai réalisé une quarantaine de pièces déjà. Et donc ça, c'est un autre volet de la littérature, une littérature plus vivante. Je recrute des comédiens volontaires et bénévoles bien entendu pour enregistrer ces pièces. Ça dure une petite demi-heure à chaque fois. C'est assez amusant. D'accord. Vous faites aussi l'acteur ? Non, je présente. Enfin, je de temps en temps je fais une voix, mais c'est pas mon truc. Moi, je suis pas vraiment un orateur. Hein. Je présente l'émission, c'est tout. D'accord. Vous êtes aussi écrivain, parce que j'ai lu quelques livres de vous, effectivement. Oui, j'ai réalisé huit bouquins. Enfin, j'ai écrit huit bouquins depuis que je publie. J'en ai écrit cinq ou six autres bien avant, mais enfin, ça, c'est des trucs pas publiables, hein. J'écris depuis l'âge de 11 ans. Ce que j'ai publié de 11 jusqu'à 50 ans, c'est pas vraiment regardable. Par contre, j'ai écrit des choses totalement différentes pendant des années, puisque j'étais informaticien, et là, j'écrivais des logiciels. Vous écriviez... Ah, c'est vous-même qui les écriviez ? Oui, tout à fait. D'accord, ouais. C'est toujours de l'écriture, c'est pas... C'est une autre forme d'écriture, mais ça procède de la même manière, puisqu'en fait, ça procède de l'imagination et de... Il y a un langage, il y a... Donc, c'est un peu comme écrire des romans, quoi. D'accord. Mais ça doit aider aussi avec la maison d'édition. Tout à fait, oui, pour toute la partie technique, oui, bien entendu, puisque j'ai enseigné les techniques donc de mise en page quand j'étais informaticien. J'ai aussi des logiciels de radio, enfin des logiciels de son pour faire mes émissions de radio. Donc oui, c'est vrai que informaticien, ça aide bien quand on veut faire de la technique après, oui, tout à fait. Ah ouais. Et donc, vous, qu'est-ce qui vous a amené à écrire ? Qu'est-ce qui pousse effectivement les gens à écrire ? J'ai toujours écrit, moi. J'écris les bouquins que j'ai pas trouvés, quoi, en fait. Je suis un immense lecteur. Je vis dans une bibliothèque chez moi. J'ai, je sais pas, peut-être 5 ou 6 000 ouvrages chez moi. Mais je lis en permanence. Quand on est écrivain, il faut du carburant pour alimenter. Et je lis, le premier bouquin que j'ai lu, c'était à 4 ans, c'était La Chartreuse de Parme. J'ai pas tout compris. Hein. À 4 ans, oui, bah, j'imagine bien, effectivement. D'ailleurs, j'ai essayé de le relire à 11 ans, j'ai pas tout compris non plus. Et j'ai relu récemment et ça me plaît pas, en fait. Donc, ça ne vous plaît pas. J'ai eu tort. On aurait pu penser que vous auriez pu commencer par Jules Verne, enfin des choses. À 4 ans, non. En fait, tout bêtement, pourquoi La Chartreuse de Parme ? Parce que c'était le seul bouquin qui était chez moi, en fait, c'est le seul bouquin qu'on avait à la maison à cette époque-là. Donc, je me suis beaucoup rattrapé depuis. Moi aussi, j'adore lire. Je suis une lectrice compulsive, on peut dire. Oui, bah, c'est mon cas aussi. Oui, je lis peut-être pas. Une quinzaine de bouquins par mois, quoi. Oui, moi j'en suis à 3-4 par semaine, donc effectivement, ouais, ça doit faire, ouais, c'est ça, ça ouais. doit faire ce Bon, on genre. est là, ouais, tout à fait. Bon, avant d'aborder la maison d'édition en elle-même, nous allons faire une première pause musicale. C'est vous qui avez choisi de prendre une musique de David Bowie qui nous Eh a oui. quittés il y a peu de temps. Et donc, nous allons écouter Let's Dance. Sur Fadjet, vous m'en lirez tant. 18h, 18h30 sur Fadjet. Alors nous sommes toujours avec Monsieur Debord, donc Rémi. Alors vous allez nous parler de l'édition associative. Qu'est-ce que c'est que l'édition associative ? L'édition associative, c'est quand on veut faire une maison d'édition, mais qu'on ne veut pas utiliser les grands moyens, fonder une société. Prendre les salariés, tout ça, donc on se débrouille avec les moyens du bord, on recrute deux trois amis, de préférence écrivains, et puis on fonde une maison d'édition, et puis comme c'est très simple de fonder une association, en fait il suffit de déclarer à la préfecture, ça prend très très peu de temps, et puis après, en fait, Le seul problème de cette forme, c'est que après tout le monde doit être bénévole puisqu'on touche pas un centime. Donc il faut bien se débrouiller tout seul, quoi. Ça devient sacerdoce presque. Oui, non, mais de toute façon toute association, moi je suis membre de plusieurs associations, c'est vrai que ça coûte plus d'argent que ça n'en rapporte, c'est sûr. Oui, effectivement. Et donc vous l'avez fondée à quelle date ? Alors j'ai fondé une première association, une première maison d'édition en 2004. J'ai rencontré deux autres écrivains comme moi, cherchaient vainement à se faire éditer. Donc on envoie 20 bouquins aux 20 grandes maisons d'édition, on reçoit 5 réponses négatives, et puis les autres, c'est le silence radio complet. Et puis, au bout d'un moment, on s'est été rencontrés sur un marché de Noël. Donc c'est des choses qui se font très bien, ouais. Et en fait, on était là et on discutait, on disait Calimard, c'est pas sympa, ils m'ont même pas répondu, tout ça. Et puis on s'est dit, on va fonder notre propre maison d'édition après tout. Et puis c'est parti comme ça, quoi. Et ça s'appelait Rebeline. Oui. Donc ça, c'était en 2004. Donc ça a fonctionné bien jusqu'en 2011. Et puis en 2011, la tournure que prenait la ligne éditoriale me plaisait plus. Donc j'ai décidé de quitter Rebeline et de fonder donc Néré Édition. D'accord, c'est un très joli nom d'ailleurs. Oui, c'est le nom d'une planète que j'ai inventée pour les besoins d'un roman que j'ai publié en 2006, je crois. C'est l'histoire d'une planète où il se passe plein de choses, où il y a des choses merveilleuses et des choses extrêmement c'est terrible aussi. Et donc j'ai pris ce nom parce que après tout est une question de googlisation. Excuse-moi. Il faut trouver un nom qui n'existe pas déjà. Oui. Parce que sinon après quand on cherche on trouve jamais. Donc il faut trouver un nom. Donc ce nom-là était peu répandu, donc je l'ai choisi, voilà, tout à fait. D'accord. Et donc ça se passe comment si je suis un jeune auteur à la recherche d'une maison d'édition? Je vous contacte tout simplement? Oui, bah, c'est le cas d'au moins une trentaine ou une quarantaine de personnes par mois, par an, pardon, pas par mois heureusement. Je confie, donc vous m'envoyez votre manuscrit sur papier. Donc pas un tapuscrit, un manuscrit. Manuscrit, oui, tout à fait, parce qu'on a pu. Un tapuscrit quand même, oui. Parce que je ne lis pas. Si, ça m'est arrivé de lire, de recevoir vraiment un cahier. Ah oui. Comme ça se faisait avant, les cahiers 200 pages, un petit carreau avec l'écriture manuscrite, mais là c'est pas possible. Quelqu'un qui se prenait pour Colette. Oui, c'est ça, peut-être. Non, mais une personne qui travaillait à l'ancienne. Ah oui. Et donc. Donc pas manuscrit, donc de préférence taper à la machine quand même. Mm-hmm. Et je confie ça donc au comité de lecture. Mm-hmm. Et en particulier à la directrice littéraire qui va décortiquer ce truc-là, voir si on peut en tirer quelque chose, éventuellement demander à l'auteur de faire des points de révision, des choses comme ça, et puis après on voit. Il y a sur le site de Nereia, il y a une page qui est consacrée à ça, en fait, où je donne toutes les consignes, tout ce qu'il faut savoir avant de m'envoyer son manuscrit. Donc c'est une page d'ailleurs qui m'a valu parfois quelques violences sur Internet, où les gens estimaient que j'étais méprisant avec les auteurs. En fait, non, j'explique simplement la réalité des choses, c'est-à-dire que il y a des choses que j'ai envie de publier, des choses que j'ai pas envie de publier, donc je le dis clairement, c'est tout. Le nombre de gens qui veulent me raconter l'histoire de leur grand-père, ou le nombre de gens qui veulent me raconter leur vie, je pourrais pas, je peux pas. Bon, on va peut-être maintenant parler des sujets qui pourraient fâcher. Est-ce que les auteurs doivent participer financièrement? Non, je suis un éditeur. Je ne suis pas un prestataire de service, je ne suis pas un éditeur à compte d'auteur, je suis un éditeur à compte d'éditeur. Les sous qui permettent d'imprimer ces bouquins, c'est moi qui les sors. Ah oui, enfin, c'est l'association qui les sort, oui. C'est pas les auteurs. Alors c'est quoi la différence entre un éditeur dit classique et un éditeur associatif? Il y en a peu, à part qu'on n'est pas payé, qu'il n'y a pas de salarié, que je fais tout moi-même. Enfin, que nous faisons tout nous-mêmes, mm-hmm. Et que qu'il n'y a pas de rémunération au bout, quoi. Mais c'est la seule différence. Mais on gagne quand même un peu d'argent, puisque ce qui nous permet de réinvestir dans les projets suivants. Mm-hmm. C'est le principe, hein, c'est que pour pouvoir publier, il faut vendre, donc on vend et puis après on publie d'autres bouquins. D'accord. Et ça se passe comment, la diffusion des ouvrages? La diffusion des ouvrages, je le fais un peu sur Internet, il y a un site de vente par correspondance sur le site. Mm-hmm. Et puis autrement, c'est la diffusion directement auprès du public via les salons. Oui. Il y a une trentaine de salons à peu près importants dans le Grand Est par an. On en fait une vingtaine. Une vingtaine. Mm. Effectivement. Et ça fonctionne Ça fonctionnait bien, ça fonctionne un petit peu moins bien. Le plus gros salon qu'on fait, c'est le livre sur la place. Oui. Dans les années 2005-2006, on faisait 130-140 bouquins. Cette année, on a fait 38, je crois. Ah oui, c'est quand même peu, hein. Oui. C'est pas mal quand même. Enfin, 38 avec 4 auteurs. 38 pour. Ah oui, pour 4 auteurs, c'est bien. Est-ce que, je suppose que vous recevez quand même toutes sortes de manuscrits, vous les sélectionnez comment? C'est votre choix à vous? Alors, c'est le choix de la directrice. Enfin, j'ai ma fille qui est directrice littéraire, donc des rééditions, qui fait ça très bien, qui lit. C'est une boulimique de lecture, elle aussi, donc elle est capable de dévorer n'importe quel manuscrit en moins de 8 jours. Sauf que, comme on a toujours du retard, c'est pour l'auteur, lui, il attend 3 mois, mais c'est vrai que quand on arrive en fait à son manuscrit, ça dure 8 jours à peu près. Et en 8 jours, elle donne une synthèse, elle dit non, elle dit oui ou elle dit non. Elle a plus de patience que moi, parce que moi, j'applique la méthode qui est présumée être appliquée par Gallimard. Je lis 2 pages, les pages 84 et 85. Ah oui, 84 et 85. C'est la légende. La légende veut que chez Gallimard, il lisait 84-85. Et c'est vrai qu'après, juste pour rire, je me suis amusé à lire les pages 84-85 de tous les manuscrits. C'est vrai que c'est peut-être l'endroit idéal pour chercher ce que le principe de fonctionnement de l'auteur. Ah oui, c'est marrant ça. Oui. Donc moi je lis 84-85, ma fille lit tout le bouquin, de A à Z, même si ça l'agace, même si au bout de 10 lignes elle en a marre, mais elle va jusqu'au bout, elle fait quand même une synthèse, et donc ça permet d'argumenter la lettre de refus ou la lettre d'acceptation, mais même si on accepte, plusieurs semaines d'aller-retour pour corriger des points de détail, ajouter des choses, retirer des choses, modifier des textes, modifier une fin. On a un de nos meilleurs auteurs, son premier bouquin, on lui a fait faire 4 fois la fin. D'accord, mais ça doit être dur de faire face à l'ego des auteurs, parce que bon, quand ils ont normalement terminé leur manuscrit, ils pensent que... Ah, ils pensent tous qu'ils ont écrit le chef-d'œuvre, c'est vrai. C'est ça. Mais, justement, après, c'est notre rôle de lui faire comprendre que oui, chef-d'œuvre, oui, mais s'il rajoute ça, ça sera peut-être un peu mieux, et que si on avait ça, ça sera sûrement beaucoup mieux. Donc c'est vrai qu'il y a des auteurs qui le prennent très bien, heureusement, des auteurs qui le prennent moins bien, les auteurs qui le prennent très très mal, et là, on est obligé de s'en séparer. Enfin, moi, c'est comme ça que je me suis séparé de ma première maison d'édition, d'ailleurs. Ah oui. Un auteur qui comprenait pas les remarques. Ah oui. Donc, j'ai préféré partir. Oui, mais c'est vrai que ça doit être difficile quand on a écrit quelque chose qu'on pense publiable tel quel. Ça doit être un peu difficile de devoir remanier en fait. Vous savez, son texte. La plupart des auteurs ont un vrai problème, c'est qu'ils pensent avoir écrit quelque chose, ils ne l'ont pas écrit. En fait, il y a la moitié du roman qui restait dans leur tête. Et en fait, quand on lit après le texte, on dit, mais il manque des choses, il y a des choses, je ne comprends pas ce que tu as écrit. Mais si, j'ai écrit. Non, tu ne l'as pas écrit. Oui, c'est dans leur tête. Eux ont l'histoire en tête. Il y a une partie du roman qui est restée chez eux, quoi. Oui, d'accord. Et vous devez bien avoir quelques anecdotes amusantes à nous raconter. J'en ai une, enfin, la plus criante. Moi, j'ai reçu des choses. J'ai reçu une rédaction de CE1 en 100 pages. J'ai reçu le factum garmacratique. Pardon ? Le factum garmacratique. Et d'accord. Et croyez-moi que le titre, lui, est intelligible. Ah oui, et ça parlait de quoi? Parce que on n'a pas vraiment d'idée là. Ça tenait en 300 pages, c'est quand même un pavé. Et j'ai attendu la page 290 pour comprendre où voulait en venir l'auteur. Donc vous l'avez refusé, je suppose, ce livre? Voilà, tout à fait, oui, quand même, parce que là, je me suis dit que je plaignais l'auteur, je plaignais le pauvre lecteur qui serait obligé de se prendre ça, quoi. Bon, est-ce que vous savez s'il a quand même réussi à le publier? Ah oui, on arrive toujours à publier. Il y a sur Internet un nombre conséquent d'escrocs qui profitent des pauvres écrivains en mal d'éditeurs. De notoriété surtout peut-être. Oui, non, mais en mal d'éditeurs simplement. Il y a des gens, c'est l'œuvre de leur vie qu'ils veulent faire publier. Hein. Mm-hmm. Et donc ils sont prêts à dépenser des fortunes pour le faire publier. Et donc il y a quelques maisons qui sont très célèbres sur le marché. Il y a la pensée universelle qui sévit depuis les années 20. Mmh. Ou pour la modique somme de 4000 euros, vous aurez 50 exemplaires. Ah, 50 exemplaires seulement en plus. Ah oui, quand même, attends, il faut les fabriquer. Ouais. Mais ils s'occupent de tout. Ah oui, pas de les vendre quand même. Ah non, non, surtout pas. Surtout pas. Ce qui est le plus difficile, en fait. Non, non, mais il y a des... Y a... Oui, non, mais c'est sûr que c'est... écrire le bouquin, à la limite, c'est pas très grave. Hein. C'est effectivement, c'est le vendre après. C'est le vendre après, effectivement. Parce que c'est mais on a des... Non, mais il y a des gens... Moi, j'ai vu sur Internet des gens qui disaient... leur slogan, c'était... et nous fournissons le numéro ISBN gratuitement. C'est quoi ce numéro? Vous savez, c'est le code barre qui se trouve derrière le bouquin, là. D'accord. C'est la clé pour pouvoir le publier en librairie, parce que s'il n'y a pas ça, le libraire le refuse. Ah, bah écoutez, on apprend des choses. Alors, il faut savoir que le numéro ISBN, c'est totalement gratuit. Il suffit d'aller sur le site d'ISBN et d'en faire la demande. Et vous dites, je publie un bouquin, 10 bouquins, 50 bouquins, 100 bouquins. Et ils fournissent le nombre d'ISBN complètement gratuitement. C'est une association française qui dépend d'une association internationale, puisque... Tous les numéros ISBN du monde entier, en fait, sont réunis au même endroit. Mm-hmm. Et donc, c'est totalement gratuit. Mais il y a des gens qui en font un argument de vente. Ah oui, effectivement. Voilà. Ils disent que tu fournisses le numéro ISBN gratuit et qu'ils font le dépôt à la Bibliothèque nationale gratuitement. Oui. Alors, c'est on ne peut plus gratuit, le dépôt à la Bibliothèque nationale, puisqu'on ne paye même pas le port. C'est la seule franchise de port qui reste à la poste. Ah bah écoutez, je suis ravie de l'apprendre. Et avec écrire au président de la République aussi, c'est aussi franchise de port. Oui, c'est bien ce qui me semblait, effectivement. Voilà. Mais c'est les deux seuls. Hein. Ce sont les deux seuls. Oui, bah écoutez. Alors j'imagine la pauvre Bibliothèque de France avec tous les exemplaires de... Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, enfin, si vous êtes comme moi, mais des fois, je trouve qu'il y a énormément de livres qui sont publiés. C'est 900 nouveautés françaises enfin, par an. Française, oui. Française. Plus les étrangères, plus les rééditions. Oui. C'est important. C'est pharaonique. Hein. Tout à fait. Oui, oui. Bon, ben, nous allons faire une deuxième pause musicale. Donc, pas de problème. Vous aimez Bach. Bah, donc, oui, absolument. Oui. Donc, j'ai choisi l'aria de la suite orchestrale en ré majeur de Jean-Sébastien Bach. Allons-y. Sur Fadjet, vous m'en lirez tant. Alors, nous sommes toujours avec Monsieur Debord, effectivement. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de vos projets? À la fin de la semaine, l'enregistrement de la 41e émission de radio. 41e émission de radio. Voilà. Et puis, un bouquin qui est dans les tuyaux, là, qui est en cours d'impression, donc ça sera le 18e, le 18e sur Mireia, le 28e à notre catalogue, et puis c'est peut-être d'ici 2 ou 3 ans quand même la retraite. Vous avez combien d'auteurs en fait dans votre... 7 auteurs. 7 auteurs. Voilà, nous sommes 7 auteurs, y compris moi. Donc on a 27 bouquins au catalogue, 28e donc d'ici peu de temps, et Pour parler de chiffres, on est à peu près à... On vend 200, 250 bouquins par an. Et puis, ça ne permet pas de... On ne pourrait jamais dire que ce serait une maison d'édition qui serait viable commercialement. Mm-hmm. Mais comme on n'a pas de charges, pas de charges sociales, pas trop non plus d'autres charges, parce que je veille au grain à part les hôtels, parce que quand on part sous 48 heures au Luxembourg, il faut bien payer l'hôtel. Mm-hmm. Donc autrement, on a très peu de frais, donc ça permet de voir l'avenir assez sereinement quand même. J'ai jamais été obligé de dire à un auteur non, je peux pas publier ce mois, je peux pas publier cette année parce qu'on n'a pas assez de fonds de caisse, quoi. Mmh. Oui, mais vous, en même temps, vous ne pouvez pas non plus faire des avaloirs, je suppose. L'avaloir est à zéro, mais je suis pas là. Faut pas croire, l'avaloir c'est un leurre. Hein. Il n'y a que les très grands, les 10 grands auteurs connus en France qui touchent les avaloirs. Hein. Même si vous êtes. Même le prix Goncourt n'a pas forcément touché d'avaloir. Ouais, oui. Ça se fait de moins en moins, donc, effectivement, maintenant. Non, mais il y a eu tellement de gabegies à ce niveau-là. Il hein. y a eu des gens comme, je ne vais pas citer de nom, ça ne serait pas gentil. Mais il y a eu des auteurs très, très connus. Qui en changeant de maison d'édition, la maison d'édition pour les attirer chez eux a fait un avaloir de 3000 bouquins, par exemple sur 3 ou 4000 bouquins, et le bouquin s'est vendu à 700 exemplaires. Ah oui. Ah oui, donc un coup comme ça, ça va, deux coups, ça va pas, et puis le troisième coup, après, même pour des auteurs extrêmement connus, les gens sont méfiants maintenant. Enfin, les éditeurs sont méfiants. Donc, les petits éditeurs associatifs. Mais par contre, contrairement à certains autres éditeurs que je connais et que je ne dénoncerai pas, je paye les droits d'auteur. Ben c'est bien. Déjà, ça nous rassure, effectivement. Voilà, tout à fait. Vous voulez bien nous donner les coordonnées de votre maison d'édition ? Alors, ça s'appelle Nerea Édition. Ça se trouve à Rouen. Cette rue des écoles. Et il y a un site, donc c'est www.nereiah.com. Mm-hmm. Et vous avez tout ce qu'il y a dessus. Il y a tous les bouquins à vendre, il y a tous les portraits des auteurs, il y a des extraits des bouquins, il y a la procédure pour nous envoyer les manuscrits, enfin tout, qui on est, qu'est-ce qu'on pense, etc. D'accord. Bon, vous avez, un convenant de le dire, vous avez un certain âge, vous êtes aussi un peu philosophe. En tant que philosophe, si vous aviez un conseil à donner, ce serait quoi ? Vivre. Vivre, oui, mais vivre comment ? Vivre. Tout simplement. Vivre. Oui, oui, on ne peut pas s'interroger sur l'avenir, c'est déjà se rendre triste, en fait. Il faut regarder devant, mais il ne faut pas regarder trop devant. Mmh. Faut surtout pas regarder devant en pensant au passé. Oui. Parce que ce qui s'est passé est passé. On peut toujours espérer que l'avenir sera meilleur. Mmh. Alors, j'ai un roman qui s'appelle 2047. Mmh. Si vous avez l'occasion de le lire, vous verrez que c'est pas très optimiste. Mais à la limite, on peut imaginer que tout peut s'arranger, quoi. Il n'y a pas vraiment à s'inquiéter. Les aléas de l'histoire sont généralement de très très courte durée. Oui. Et on peut toujours espérer qu'après ça s'arrangera. Bah, écoutez, c'est optimiste au moins. Ah oui, totalement. Moi, je suis un optimiste 100% grandin. Hein. Eh bien Rémi, je vous remercie infiniment d'être venu nous voir. Merci Mona de m'avoir reçu. Et puis, au revoir à tous et à bientôt. À bientôt.